Tchekhov, la mouette. Les hommes, les lions, les aigles et les perdrix, les cerfs à cornes, les oies, les araignées, les poissons silencieux, habitants des eaux, les étoiles de mer et celles qu'on ne peut voir à l'œil nu, bref, toutes les vies se sont éteintes, ayant accompli leur triste cycle. Depuis des milliers de siècles, la terre ne porte plus d'êtres vivants, et cette pauvre lune, en vain, allume sa lanterne. Dans les prés, les cigognes ne se réveillent plus en poussant des cris, et l'on n'entend plus le bruit des hannetons dans les bosquets de tilleuls. Tout est froid, froid, froid. Tout est désert, désert, désert. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur. Les corps des êtres vivants sont réduits en poussière et l'éternelle matière les a transformés en pierre, en eau ou en nuage. Leurs âmes se sont fondues en une seule. L'âme universelle, c'est moi, c'est moi. En moi vivent les âmes d'Alexandre, de César, de Shakespeare et de Napoléon, et celles de la dernière sangsue. En moi, la conscience humaine s'est confondue avec l'instinct animal. Je me souviens de tout, et je revis chaque existence en moi-même. Je suis seul. Une fois tous les 100 ans, j'ouvre la bouche et ma voix résonne tristement dans ce désert et personne ne m'entend. Vous non plus pas, le lumière, vous ne m'entendez pas. Les marais pourrissants vous engendrent tous les matins et jusqu'à l'aube vous errez, sans pensée, sans volonté, sans palpitation de vie. Craignant que la vie ne vous revienne, le diable, père de la matière éternelle, opère en vous. À tout moment, l'échange des atomes comme dans les pierres et dans l'eau. Ainsi, vous transformez-vous perpétuellement. Seul, dans tout l'univers, l'esprit demeure immuable et constant, tel un prisonnier jeté au fond d'un puits vide et profond. Je ne sais qui je suis ni qui m'attend. Cependant, on m'a révélé que dans cette lutte opiniâtre et cruelle contre le diable, principe des formes matérielles, je sortirai vainqueur. Alors matière et esprit se fondront en une harmonie parfaite et le règne de la volonté universelle naîtra. Cela sera très tard lorsque, après une longue série de millénaires, la Lune et le lumineux Sirius et la Terre se réduiront peu à peu en poussière. Mais d'ici là, ce sera l'horreur, l'horreur, l'horreur.